Nicole qui va nous parler de l'arrêt du nucléaire. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc moi je fais partie d'un tout petit collectif qui s'appelle le collectif contre l'ordre atomique. C'est nous ensemble qui allons intervenir maintenant. Et notre sujet, ça n'est pas l'arrêt du nucléaire en soi, c'est l'arrêt immédiat du nucléaire. Vous m'entendez ? Comme ça, vous m'entendez ? Bon. Je disais que je fais partie d'un petit collectif qui s'appelle le collectif contre l'ordre atomique. C'est ce collectif qui va intervenir maintenant. Et c'est un collectif qui s'est constitué pour promouvoir l'idée d'un arrêt, un arrêt immédiat du nucléaire, qui est quand même un point de vue assez différent du point de vue dominant des antinucléaires. On va vous expliquer d'abord pourquoi et comment. Je précise simplement qu'on est un collectif qui n'est pas institutionnalisé, qui n'a qu'une existence par le fait qu'on se réunit et qu'on réfléchit. Et on ne reçoit pas de sous, on fait nos propres productions, on a produit des tracts que vous pourrez prendre là sur la table, des brochures, etc. Voilà. Alors, on avait conçu l'intervention en deux parties. Arrêter immédiatement le nucléaire, pourquoi et comment? Alors, pour le pourquoi, je passe la parole à Anne-Marie. Alors, bon, d'abord, on peut prendre au niveau de l'histoire. Hein. L'entrée dans l'ordre atomique commence au mois d'août 45 avec les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Ensuite, l'ensemble des pays, un grand nombre de pays ont commencé à procéder à de très intensifs essais atomiques. Pendant de très nombreuses années, des quantités énormes de produits radioactifs ont été lâchés dans l'atmosphère. Produits qui se retrouvent aujourd'hui, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons et dans les aliments que nous mangeons. Donc on utilise des matières radioactives pour ces bombes et pour les installations civiles comme les centrales nucléaires. Et ces matières étant excessivement dangereuses pour la santé et pour la vie des plantes et des animaux, eh bien, on est obligé de prendre des précautions tout à fait particulières et une organisation du travail tout à fait particulière. Donc, ça va entraîner un système de surveillance énorme au niveau des installations. Donc, ils vont utiliser la gendarmerie, l'armée, la police, pour tout ce qui concerne le transport. Et là, on pourrait agrandir parce que le transport, il y en a tous les jours en France et sur des très longues distances. Et il va falloir maintenir le secret puisque faut éviter les attaques. Donc, dans le cadre de la maintien du secret, mais on peut pas. L'univers atomique est protégé du regard extérieur. Et donc, il est très difficile d'accéder aux informations et de le critiquer. Alors nous sommes, je pense, tous au courant des catastrophes. Il y a eu deux grands accidents, donc on pourrait dire trois, mais plus récentes, Tchernobyl et Fukushima. Et on sait que ça entraîne l'interdiction absolue de régions entières qui vont être inhabitables, et ça pour plusieurs siècles. C'est-à-dire, contrairement à d'autres pollutions qui sont très très graves, hein, on ne dit pas que les autres ne sont pas graves, on se trouve amené dans une situation où une partie de la Terre est rendue inhabitable, avec les populations qui vont être amenées à subir l'exode, et qui, pour certaines, à Fukushima et à Tchernobyl, sont invitées par les autorités à rester dans les zones contaminées en prenant le risque de maladies graves et mortelles et de problèmes pour leurs descendants. C'est-à-dire que, en fait, c'est un danger en plus qui a le grand drame de ne pas se voir. On peut vivre dans une zone qui est infecté radiologiquement, et puis on s'aperçoit de rien sauf à moyen ou long terme. Alors il y a de nombreux incidents dans les centrales et les laboratoires de recherche, et il y a en permanence des fuites dans l'environnement. Et bien sûr aussi, le point qui est aussi à peu près connu de tout le monde, c'est la production de déchets en grande quantité de matière radioactives qui sont indestructibles jusqu'à aujourd'hui et qui s'accumulent dans des zones de stockage qui sont pas sûrs. Donc nous on se dit que on se retrouve dans une situation où la zone à défendre, c'est partout. C'est chez nous, c'est partout, parce que c'est des zones qui sont rendues inhabitables. Actuellement, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, donc c'est quand même un pro-nucléaire convaincu, nous annonce que la catastrophe est possible en Europe. Et qu'un type d'accident comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima peut nous arriver. Alors on ne sait pas. Le premier danger d'un accident, ça va être pour les travailleurs et les sacrifiés. C'est-à-dire qu'on va employer des gens volontaires ou pas pour aller dégager et empêcher le pire. Mais comme on l'a fait à Tchernobyl, c'est-à-dire sacrifier une partie des gens. Et puis ensuite... les populations, c'est-à-dire nous tous. Donc pour nous, il semble important de comprendre que la zone à défendre, elle est immense et qu'elle correspond à nos zones actuellement de vie. Alors il est sûr qu'on ne pourra plus sortir du nucléaire puisque l'ensemble de ces installations contaminées et les tonnes de déchets que nous avons accumulées, il faudra les surveiller. Si nous, on pense qu'il faut demander l'arrêt immédiat du nucléaire, c'est parce qu'il faut arrêter avant la catastrophe. On ne peut pas, quand on pense qu'il y a une catastrophe en prévision, dire ben, on attend un peu plus, avant qu'elle ait lieu. On sait que si on arrête après la catastrophe, il va se passer un système extrêmement policier et militaire pour gérer les populations et on n'aura aucune chance de s'installer dans des systèmes de production d'énergie qui soient des techniques douces, humaines, maîtrisables. On n'aura aucune chance de faire de l'agriculture paysanne et biologique et de faire nos petits jardins dans un espace qui est contaminé. Donc pour nous, le fait que le nucléaire existe entraîne qu'on est entré dans un autre monde. Et il nous semblerait important que nous soyons mobilisés pour arrêter ce désastre qui est prévu par des autorités qui ne sont pas, on pourrait dire, qui ne sont pas du tout soupçonnables d'être antinucléaires ou d'avoir des préjugés par rapport à l'industrie nucléaire. Voilà, je complète sur des... Oui. Ben, je voulais rappeler quand même que demander l'arrêt du nucléaire maintenant, avec les circonstances actuelles, vous savez qu'il est question de grand carénage. C'est-à-dire qu'il faut savoir que comme toute installation, elle vieillit, c'est qu'on a affaire à des matériaux. Par exemple, le dernier incident que j'ai vu, c'est des ouvriers à La Hague qui avaient des chaussures contaminées par la radioactivité. Alors, pour nous rassurer, il dit c'est simplement un joint qui était défectueux. Mais il faut savoir que les centrales étaient prévues pour vivre 25 ans et qu'actuellement, on discute sur est-ce qu'on prolonge leur vie ou non. Et en plus, l'argent, qui me semble, moi, personnellement, moins important, mais quand même, on parle de sommes de l'ordre de 50 milliards. Enfin, c'est absolument phénoménal. Alors là, une des grandes difficultés, c'est que l'industrie nucléaire est complètement liée aux militaires. Elle est liée historiquement aux militaires, puisque à l'origine, les réacteurs nucléaires sont conçus pour fabriquer du plutonium. Et fabriquent à chaque fois que vous faites fonctionner votre machine à café, Nespresso au hasard, eh bien, vous contribuez à fabriquer un petit peu de plutonium. C'est absolument inévitable. Le plutonium est extrêmement radiotoxique et dangereux et on en accumule, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais chaque année des quantités extraordinaires. Il suffit, je crois, de 5 kilos de plutonium 239 pour faire une bombe. Alors, bien sûr, vous savez aussi qu'on a beaucoup parlé de l'Iran, on parle de la Corée du Nord maintenant, on sait que le nucléaire civil, le nucléaire civil est profondément lié au nucléaire militaire. Et en France, bien sûr, si on regarde l'organigramme du CEA, on voit qu'il y a des divisions militaires. Pour Areva, c'est pareil. Et pour une part, ça se comprend. Moi, je suis allé voir les questions dites de sûreté. Alors, la sûreté, c'est la question qui se pose actuellement pour les réacteurs vieillissants. C'est-à-dire qu'en fonctionnement, il ne faut pas qu'il y ait un incident. La radioprotection, c'est... La radioprotection, c'est le fait qu'on a affaire à des rayonnements extrêmement dangereux et invisibles. Et c'est ce qui fait aussi qu'on parle d'ordre atomique, nous, puisqu'on est dans un autre monde. S'il y a une contamination, on ne sait pas comment résoudre le problème. Pas du tout. Je ne vous ferai pas un cours sur les radiations. J'ai vu à côté qu'il y avait un physicien qui disait qu'on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Il est dehors, vous pouvez lui demander. Et puis, il y a la question de la sécurité. Mais la sécurité, c'est pour ça qu'il y a une agence internationale qui s'appelle l'AIEA et qui a des surveillances en France, c'est qu'on peut toujours saboter une centrale. On peut aussi voler des matériaux à tout moment. Et quand on regarde le cycle du combustible, c'est absolument hallucinant. Je vais juste dire quelque chose sur le cycle du combustible et arrêter là, si vous avez des questions. Comme vous le savez, l'uranium, il faut commencer par l'extraire. Alors en partie, c'est au Niger, on le trouve ailleurs. On n'est pas du tout indépendant, il n'y a pas d'indépendance énergétique. Et cet uranium, eh bien, il y a toutes les conditions qui sont assez terribles pour les gens qui travaillent là-bas. Alors c'est un peu comme les mineurs avec le charbon et la silicose, sauf que là, il y a du radon, il y a d'autres pollutions. Ensuite, l'uranium, il faut le concentrer, parce que dans le minerai, c'est pas comme ça, on utilise des produits chimiques. Il faut l'emmener jusqu'à... Alors on l'amène par bateau, entre autres, on va l'amener à Narbonne, c'est incroyable, à Malvézie. Là, il est transformé. Ensuite, il est transporté jusqu'du côté de Pierrelatte et Marcoule, et ça continue. Et ensuite, on l'envoie dans les centrales nucléaires. Ensuite, il faut que des centrales nucléaires, on retraite les déchets, on les sépare, parce qu'en France, c'est ce qu'on fait, entre déchets de faible activité, moyenne activité, haute activité, il faut les conditionner et tenter de les entreposer. Ah oui, j'oubliais aussi, il y a un passage important, c'est la piscine. C'est quand on décharge un réacteur, on les met dans les piscines, ce qui est un endroit aussi extrêmement vulnérable. Si on manque d'eau, ça risque d'exploser. Et si, sinon, c'est très facile à attaquer. Et ça veut dire que tous les jours, vous avez des trains qui s'appellent Castor avec château plombé qui vont circuler en France. Vous avez aussi, les Français fabriquent un combustible qui s'appelle le MOX, qui est un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium. Là, c'est transporté par camion parce qu'il faut en aucun cas que les gens sachent par où ça passe. Sauf qu'un camion, comme vous savez, il peut en plus se renverser. Donc c'est tenu secret. Et puis, bon, donc le CEA travaille avec l'armée, bien sûr. Il y a des installations militaires, enfin de base dites secrètes. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Et c'est vrai que tout ça contribue à la force de frappe française et à la dissuasion atomique. Alors, moi, il me semble, puisqu'on discute entre nous, que pour le moment, ce qu'on aimerait, c'est qu'on arrête les réacteurs producteurs d'électricité. Et là, je crois que je peux passer la parole à Nicole. Ouais, moi, je vais essayer de répondre à la question. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter le nucléaire immédiatement, puisque c'est la position qu'on essaye de défendre? La plupart du temps, je veux dire, on rencontre un immense scepticisme quand on avance ce genre de choses, parce que on sait qu'en France, 85% d'électricité est d'origine nucléaire. Il y a 220 000... Vous m'entendez pas? Je recommence? Oui, je disais, le scepticisme est dû au fait que tout le monde sait qu'on a une électricité d'origine nucléaire à 85%, qu'il y a à peu près 220 000 emplois qui dépendent du nucléaire en France, si on prend l'ensemble de la filière, et que, en fait, bon, puisque tout a été fait depuis 30 ans pour pousser la consommation électrique, et en particulier pour mettre des chauffages électriques dans les appartements, parce que EDF, en construisant ses 58 réacteurs, il fallait bien qu'elle fourgue son électricité. Donc, et tout ça, effectivement, ça rend les choses difficiles à imaginer comment on peut arrêter. Ça rend les choses difficiles. Bon, au passage, maintenant, ils essayent de nous fourguer l'idée de développer la voiture électrique. Bon, je crois qu'elle serait mieux appelée la voiture nucléaire ou la voiture atomique. Donc, malgré tout ça, je crois qu'il... Bon, tout ça, ça entretient une espèce de sentiment d'impuissance et un discours qui dit « Mais vous savez bien que c'est pas possible de sortir du nucléaire maintenant. » Eh bien, nous, on dit « Si ». D'abord, il y a des solutions tout à fait pratiques, tout à fait concrètes à ça, et je vais les développer un petit peu après. On fait pas c'est pas un discours de l'irréalisme, c'est pas un discours d'utopie, c'est un discours tout à fait pragmatique qu'on essaye de faire. Mais il faut quand même avancer, je veux dire, je vais essayer quand même de lister les raisons qui ne sont pas strictement techniques, mais qui sont d'ordre politique ou éthique, si on veut, qui font qui militent en faveur d'une sortie immédiate. D'abord, évidemment, bon, Anne-Marie l'a dit tout à l'heure, il faut sortir du nucléaire avant la catastrophe et pas après. Si on sort avant de la catastrophe, on peut encore réfléchir, on peut encore essayer de faire les choses de façon rationnelle, de façon pensée, de façon organisée. Si on sort après la catastrophe, ce qui nous pend au nez, c'est une immense chaos qui sera géré comme on peut, comme ils pourront, par les militaires. Parce que la loi dit qu'après en cas de catastrophe nucléaire, c'est l'armée qui prend le commandement. Il faut le savoir quand même. Bon, bon, faut penser à tous les déplacements de population que ça va supposer, et qui seront sans doute dans un chaos énorme parce qu'ils n'ont rien pensé sérieusement, ils n'ont pas pris de précautions par rapport à ça. Ils refusent de regarder en face la réalité, la probabilité que pourtant l'ASN reconnaît maintenant officiellement la probabilité d'un accident nucléaire chez nous. Bon. En plus, la catastrophe nucléaire, c'est pas d'autant moins un scénario science-fiction que la probabilité s'aggrave avec le fait que l'entretien des centrales est de moins en moins fait de façon correcte. Parce que depuis que les critères de rentabilité sont rentrés en ligne de compte, notamment après la privatisation d'EDF, on pousse à limiter les coûts au maximum. Et limiter les coûts au maximum, ça passe par le recours à la sous-traitance. Maintenant, l'essentiel des travaux d'entretien dans les centrales nucléaires sont faits par des sous-traitants. Je ne vous raconte pas les conditions dans lesquelles ils font ça. Je veux dire, ce serait un chapitre à développer en soi. D'ailleurs, on a une brochure pour ceux que ça intéresse. Qui parle de ces questions assez clairement. Mais le problème pour la population, au-delà de l'exposition des travailleurs, le problème pour la population, c'est que l'entretien, il est de plus en plus mal fait quand on pousse les travailleurs à faire des travaux le plus vite possible, qu'on leur impose des temps limités, etc. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font semblant. Hein ? Donc l'entretien des centrales est de moins en moins bon. Voilà. Bon, alors, l'autre raison, évidemment, c'est qu'il faut cesser d'arriver d'exposer des milliers de gens dans l'entretien des centrales, parce que même en dehors de la catastrophe, il y a des gens qui prennent des doses tous les jours. Comme ils sont effectivement d'entreprises intérim, de sous-traitants, etc., eh ben, EDF s'en débarrasse régulièrement, il n'y a pas de suivi sanitaire, et tout ça passe à l'as. Je veux dire, c'est inadmissible. C'est des conditions qui sont proches de l'esclavage, d'une certaine manière. Il faut arrêter de produire des déchets. On ne sait pas comment traiter les déchets. Le problème de Bure, du projet CIGEO à Bure, si vous commencez à mettre votre nez dans ce truc-là, c'est absolument hallucinant, c'est absolument kafkaïen. Je veux dire, ils prétendent savoir faire, investir 35 millions de milliards d'euros dans cette affaire, alors qu'il y a des problèmes techniques énormes d'autres personnes ont mis le doigt. C'est un déchet complet, c'est un projet délirant. On ne sait pas traiter les déchets. Donc, la solution, c'est évidemment d'abord, enfin, la première chose à faire, c'est évidemment d'arrêter d'en produire. Donc, arrêter les réacteurs. Et puis, il faut arrêter l'irradiation quotidienne de non seulement des travailleurs, mais les transports. Les transports, il y a une quantité très très importante de transports radioactifs, de matériaux radioactifs à travers le territoire. Et ça, c'est une contamination lente du territoire, sans compter que maintenant, on recycle du matériel dit faiblement radioactif des centrales. dans l'espace quotidien, en particulier dans les routes, dans le matériel qui est sous les routes. Bon, et on parle de le remettre dans les métaux qu'on mettrait à disposition, je veux dire, avec lesquels on va arriver à manger avec des cuillères faiblement radioactives, par exemple. Bon, voilà. Et puis enfin, dernière raison, il faut se débarrasser de cette technique qui suppose le secret, comme on l'a dit, qui suppose la surveillance constante, qui ne peut être maîtrisée que par un tout petit nombre d'experts, donc qui ne peut pas être appropriable par la majorité des gens, qui ne peut pas être contrôlable, qui ne peut pas être pensée par la propriété des gens, et puis qui parce qu'elle fonctionne à travers une industrie énorme d'un point de vue économique, je veux dire, elle favorise l'opacité et les pratiques de lobby. Tout ça fait que je veux dire, il faut sortir, et c'est urgent, c'est absolument urgent. Bon, alors maintenant j'en viens aux solutions techniques, parce que évidemment la plupart du temps on dit bah oui, on fait comment? Alors on peut, il y a un certain nombre, tout de suite, sans aucun délai, on peut faire automatiquement baisser les besoins d'électricité d'un tiers à peu près en arrêtant les réacteurs. Parce que les réacteurs, la filière nucléaire en elle-même consomme pratiquement un tiers de la production d'électricité, de sa propre production d'électricité. Donc, on peut, deuxièmement, cesser d'exporter de l'électricité. Donc, si on cesse d'exporter de l'électricité, on peut arrêter 18 réacteurs sur 58. 18 réacteurs, donc 10 de 90 MW et 8 de 1300 MW. Je ne rentre pas dans le détail, il y a des gens qui ont étudié ça de très près. Si vous voulez, je vous montrerai les scénarios qui ont été écrits. Peut-être montrer le bouquin. Il y a aussi les 3 réacteurs du Tricastin qui font uniquement de l'enrichissement de l'uranium. Alors, ceux-là, on s'en débarrasse tout de suite. Enfin, on ferme. Hein. Quand je dis débarrasser, il ne faut pas se raconter d'histoire. Évidemment, il va falloir ensuite les surveiller une fois. Mais quand on a arrêté les réacteurs, on arrête le risque de catastrophe. Ensuite, on peut réduire, évidemment, la consommation d'électricité. Je veux dire, comme on fait le Japon par la force des choses après Fukushima, je veux dire, on arrête tous les gaspillages invraisemblables. On est un pays qui consomme énormément d'électricité par individu. Et si on réduisait notre consommation électrique de seulement 40%, enfin pas de seulement de 40%, ça nous ferait revenir au niveau de consommation des années 70-80. Des années 80-90. Donc ça veut dire, est-ce que dans les années 80-90 on fonctionnait à la bougie? J'ai pas l'impression. Hein. Donc tout ça, c'est des solutions qui sont possibles dès maintenant. C'est une question de volonté politique. Après. Bon, il y a aussi la solution, en dernier recours, d'importer de l'électricité, évidemment. J'ai oublié un point important. Il y a des centrales productrices d'électricité qui ne fonctionnent pas au nucléaire et qui sont sous-exploitées. Et que EDF, depuis quelques années, cherche à démanteler, enfin démantèle de fait. Mais si on pousse, on peut pousser la production électrique de toutes ces centrales, les centrales hydrauliques et les centrales thermiques. Donc, là, évidemment, on tombe toujours sur le débat, les centrales thermiques, c'est productrices de CO2. C'est l'éternelle objection qu'on nous fait, mais il faut se rendre compte que la production d'électricité, c'est pas la production de CO2, c'est pas... La production électrique n'est qu'une proportion très faible de la production de CO2. Si on veut vraiment s'attaquer au CO2, il y a des choses beaucoup plus radicales à faire, en particulier de s'attaquer au transport routier inutile, au transport aérien, etc. Donc, c'est pas un argument. Enfin, de notre point de vue, c'est pas un argument. Bon, ça, c'était les choses qu'on peut faire immédiatement. Après, il y a les choses qu'on peut faire à très court terme, c'est-à-dire en quelques années. On peut engager des travaux de façon massive pour supprimer le chauffage électrique dans les appartements, dans les logements, et pour supprimer tout ce qui n'est pas l'usage spécifique de l'électricité, c'est-à-dire en particulier tout ce qui sert à chauffer. Tout ça, c'est l'électricité, c'est un moyen absurde de chauffer. Je veux dire, c'est pas nécessaire. On peut en particulier dans tout le sud de la France installer des chauffe-eau solaires. Hein, qui chauffe très bien l'électrique. On chauffe très bien l'eau avec le soleil sans avoir à passer par l'électricité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire rapidement. Et on peut aussi assez rapidement, en 2-3 ans, construire des centrales au gaz avec des techniques très modernes, très sophistiquées, qui permettent de mettre très peu de gaz à effet de serre. Donc ça aussi, c'est une solution évidente. Je veux dire, bon. Et puis, enfin, à long terme, un terme qui reste à discuter, ça c'est pas à nous qui pouvons en décider comme ça, il y a effectivement le passage intégral au renouvelable. Alors il faut savoir que le scénario des énergies renouvelables, du renouvelable intégral pour produire l'électricité, il existe, y compris dans les milieux officiels. On nous le cache, il y a l'ADEME, qui est l'Agence pour les économies d'énergie, qui est un truc tout à fait institutionnel, qui a pondu il n'y a pas longtemps un scénario pour un passage au tout renouvelable à l'horizon 2050. Bon, et ce rapport, évidemment, il dort dans les tiroirs. Et pourtant, il existe. Donc tout ça fait qu'effectivement, il n'y a pas d'obstacle technique au passage à l'arrêt du nucléaire immédiat. Bon, évidemment, tout ça, je veux dire, ça doit se penser et se faire avec pragmatisme en fonction des problèmes qui se présentent. Mais la première condition pour que ça devienne possible, c'est que on arrête le nucléaire. Parce qu'on arrête les réacteurs. Parce que si les réacteurs continuent à fonctionner, de toute manière, il faudra investir de l'argent dans l'entretien et dans la sécurisation. Là, ce qu'ils appellent le grand carénage, ça va supposer des milliards, je ne sais plus quelle somme, enfin une somme hallucinante, bon, qui n'ira pas dans les investissements nécessaires pour pouvoir produire de l'électricité autrement. Bon, il faut quand même, effectivement, la seule chose que le nucléaire continuerait certainement à pomper comme argent, c'est inévitable, c'est qu'il faudra continuer à payer des gens pour surveiller les centrales. Pour surveiller les centrales à l'arrêt, j'entends. Mais c'est quand même infiniment plus limité que les sommes énormes qui partent actuellement. Et en plus, comme disent beaucoup d'anti-nucléaires, il faudra alors que la recherche scientifique mettre le paquet, cesse de financer des projets aussi hallucinants que l'ITER, la prétendue fusion qui absorbe des milliards et sans aucune chance de déboucher sur quoi que ce soit, alors que la recherche, pour trouver des solutions techniques au problème des déchets qui maintenant existent, il faudra bien qu'elle se poursuive et qu'elle mette le paquet. Bon, je voulais enfin dire que quand on sera débarrassé de la production nucléaire, on pourra commencer aussi à penser à un autre modèle social. Et ça, aujourd'hui, je veux dire, c'est une menace qui pèse tellement sur nos têtes et qui nous contraint tellement, c'est une technique qui nous contraint tellement, je veux dire que quelque part, on s'interdit de fait à penser à un autre modèle social. Alors que on pourrait s'autoriser à repenser un système de production d'électricité décentralisé qui se fasse par des toutes petites centrales liées dans les quartiers. Enfin, c'est des choses qui ont été pensées dans les années 70 et qui ont été oubliées, enterrées, etc. Mais il y a plein de choses qui sont possibles, surtout avec le développement des renouvelables. Et donc, c'est aussi un autre mode. À travers ça, c'est aussi une autre façon de produire, de penser, de s'organiser. On pourra peut-être commencer ensemble à penser ce que c'est qu'une société plus sobre. Hein, comment est-ce qu'on peut effectivement consommer moins? Qu'est-ce que c'est que les besoins qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas? Je veux dire, ça fait partie de la problématique. Mais bon, pour tout ça, je veux dire, c'est quand même qu'il faut qu'il y ait une volonté collective manifeste. Il suffit, je veux dire, bon, là, je vous ai fait un scénario qui paraît, je veux dire, rationnel de sortie du nucléaire, mais c'est pas aux puissants que ce truc-là s'adresse. Parce que, je veux dire, maintenant, il y a des antinucléaires depuis un certain nombre d'années, je veux dire, depuis longtemps, depuis qu'en fait, que le mouvement antinucléaire qui se battait contre les centrales, qui était un véritable mouvement de lutte, bah, il a été vaincu, de fait, par la répression, les antinucléaires se sont, d'une certaine manière, intégrés dans des commissions de négociation, Mais je veux dire, d'une certaine manière, bon, ils ont dans certains cas réussi à limiter les dégâts, mais la plupart du temps, je veux dire, c'est la logique de ceux d'en face, c'est les nucléocrates qui s'imposent. Et en particulier pour ceux, les antinucléaires qui ont fini par intégrer les sphères du gouvernement, hein, qui avant d'entrer au gouvernement parlaient d'une sortie du nucléaire à 5 ans, et maintenant ils se sont mis à, du jour au lendemain à parler d'une sortie du nucléaire à 20 ans. Alors 20 ans, c'est largement le temps suffisant pour se prendre une catastrophe sur la tête. Hein. Bon. Oui, alors concrètement, il y a des luttes en cours et je pense que c'est par là qu'il faut. C'est là qu'il faut essayer de s'investir. Il y a des luttes contre le projet de Bure. Je pense que si vous n'êtes pas au courant, le projet Chidobo, vous allez sur Internet, vous aurez des quantités d'informations sur le sujet. Il y a des luttes contre l'EPR, là où, à Flamanville, où on essaye de Areva essaye de construire ce. Bon, là aussi, je ne vais pas développer. Mais il y a des luttes qui sont plus près de chez nous. Par exemple, il y a à 30 km à l'est de Paris, il y a le fort de Vaujours qui a été contaminé par les essais des têtes nucléaires. C'est pas des essais nucléaires à proprement parler, mais ça a quand même. Il s'agissait de tester le mécanisme d'explosion de la bombe. Mais ça a quand même diffusé de la radioactivité partout sur le site. Et maintenant, le gouvernement vient de nous donner l'autorisation à Placoplâtre d'exploiter le site parce qu'il y a dessous, il y a du plâtre, enfin il y a de la craie dont on peut faire du plâtre. Donc la population locale se bat contre ça. Bon, un peu plus loin, je me souviens plus comment ça s'appelle, du côté de Reims, il y a aussi eu ce même type d'essai. Il y a des gens qui se battent. Je veux dire, on peut dans ces luttes, on peut venir donner un coup de main, mais en luttant, on peut aussi réfléchir ensemble justement à tous les problèmes que soulève le nucléaire et comment s'organiser pour lutter. Et dernière chose, je voudrais dire, faut pas croire, je veux dire que le moment est particulier. Enfin, je veux dire qu'on s'est foutu parce que le moment, d'une certaine manière, est propice parce que Areva, enfin la filière nucléaire est en pleine crise. La filière nucléaire française est en pleine crise. Enfin, la filière nucléaire dans le monde en général, elle est en recul. Il y a de moins, la part de l'électricité nucléaire recule parce que de toute manière, les capitalistes, ils savent que c'est pas rentable, ils savent que c'est plein de risques, etc. Donc, ils n'investissent pas. Mais en France, où l'État, le lobby nucléaire est fortement implanté au niveau du pouvoir d'État, eh ben, ils résistent. Mais ils résistent. Mais malheureusement, en termes capitalistes, ça se passe mal pour eux. Areva est en pleine crise, elle a dû être renflouée dernièrement de je sais plus combien de milliards. EDF, pareil, je veux dire, a besoin d'un refinancement. Combien ? 4 milliards. 4 milliards que Areva vient. EDF, pareil. Le projet CIGEO qui est indispensable à la poursuite, enfin, à la poursuite du nucléaire, parce que sinon, je veux dire, ils ne savent pas quoi faire de tous ces déchets, c'est clair. Va demander des financements énormes. Enfin. De toute manière, ils sont dans une contradiction terrible, je veux dire, à vouloir défendre le nucléaire à tout prix, et dans une espèce de fuite en avant. Et je pense que c'est le moment de se battre, de reprendre la lutte. C'est pas parce qu'on s'est fait battre dans les années 70, au moment de la construction des centrales, qu'on peut pas reprendre le flambeau. On peut et on doit le faire. Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous sommes pour une sortie, pour un arrêt immédiat des réacteurs. Alors, évidemment, comme disait Anne-Marie. La sortie, c'est on n'en sortira pas du nucléaire. Il y a tout ce qui nous auront déjà laissé un héritage, mais on peut arrêter les dégâts dès maintenant. Merci, c'est une très bonne approche du sujet. Il y a une chose que vous n'entendrez jamais à la télé. Alors j'ai la honte d'avoir fait 40 ans de communication d'entreprise et institutionnelle. C'est-à-dire que j'ai fait de la propagande en croyant faire de l'art. Je vais quand même attirer votre attention, je travaillais pour le nucléaire. Si, par exemple, essayez de vous faire un scénario, si la retenue de Serre-Ponçon cassait, le grand barrage de Serre-Ponçon qui est à Rembrun, vous auriez une inondation qui ferait des dizaines de milliers de morts, peut-être même plus. Mais 10 ans après, sur les gravats et les boues, la vie va reprendre ses droits. Si vous avez un accident nucléaire majeur, Il y a des radionucléides toxiques extrêmement dangereux parce qu'ils n'existent pas à l'état naturel dans la nature. Ils sont extrêmement pervers. Alors vous pouvez aller sur un site internet et regarder radionucléides. Eh bien, il y a des radionucléides qui vont durer des milliers d'années et même certains en petite quantité qui vont durer des centaines de milliers d'années. C'est-à-dire que tout espoir de retour à la vie est condamné. Et la honte à Antenne 2 qui nous a fait un documentaire récemment, nous expliquant qu'à Tchernobyl, les animaux étaient très heureux près du cadavre de la centrale. Alors réfléchissez là-dessus. Un accident nucléaire, c'est une cessation de la vie, une atteinte à la vie définitive. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai peut-être une question. Combien de temps faudrait-il pour remplacer en fait le nucléaire par des technologies soutenables ? Bon, je pense que je me suis mal fait entendre ou comprendre, je ne sais pas. J'ai expliqué qu'il y avait toute une série de choses qu'on pouvait faire tout de suite. Est-ce que je recommence ? Non. Après, il y a une série de choses qu'on peut faire en l'espace de quelques années. Et à plus long terme, on peut dire effectivement tout renouvelable, toutes les énergies renouvelables. Et ça, c'est une chose qui est en discussion. Et ne serait-ce que parce que, après, une fois qu'on aura mis en œuvre tout ce qui est possible, je veux dire, la limitation de la consommation, l'arrêt des réacteurs qui consomment leur propre électricité, tout ce que j'ai listé tout à l'heure, une fois qu'on aura mis ça en place, je veux dire. Peut-être qu'il faudra encore compenser la perte d'électricité, de production électrique. Mais en combien de temps, je ne sais pas. Toujours est-il que, je disais, l'ADEME, elle pense que le tout renouvelable, elle a fait un scénario à l'horizon de 2050. Si on arrête tout de suite, pour toutes les raisons qu'on a essayé de dire, je veux dire, c'est possible. C'est possible. On va probablement devoir compenser une certaine quantité d'électricité. Et ça dépend de la façon aussi dont la société réagit à tout ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle est prête à encaisser, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour limiter la consommation d'électricité. Mais on sera peut-être obligé, effectivement, de faire appel à l'exportation, à l'importation d'électricité. On sera peut-être vraisemblablement obligé de remettre en service les centrales thermiques qui restent encore. Mais ça, c'est la condition pour pouvoir nous permettre d'arrêter maintenant. Et ensuite, quelques années plus tard, supprimer le chauffage électrique, créer des centrales au gaz propre, ça c'est possible en quelques années. Et ensuite, il y a le passage au renouvelable, c'est un peu plus loin, c'est un horizon un peu plus lointain. Voilà. Oui, enfin, alors de mon point de vue, il y a la question, on pourrait dire, rationnelle. S'il s'agit de faire l'électricité comme ça, c'est facile. Mais de même qu'il faut, pour mettre des déchets quelque part, il faut arriver à avoir l'assentiment de la population, soit en les achetant avec des piscines, des grands centres, etc. Il faut aussi, inversement, il faudra avoir l'assentiment d'EDF, de CEA, des travailleurs du nucléaire. Et ça, c'est pas gagné. D'autant que, alors, ce que je tiens à dire, c'est que les 70, EDF faisait de l'électricité essentiellement avec le barrage. La dame qui a parlé avant, elle a parlé du barrage Serre-Ponçon qui est sur la Durance. L'énergie renouvelable, la fabrication renouvelable d'électricité la plus connue, c'est le barrage hydroélectrique. Or, l'État actuel, qui dit qu'il n'a pas d'argent, a décidé de livrer les concessions des barrages hydroélectriques aux entreprises, aux autres entreprises, c'est-à-dire privé EDF, qui est quand même, l'État doit être actionnaire de EDF de l'ordre de 85%. En théorie, c'est à nous EDF, en théorie. Et donc EDF va être obligé, EDF, c'est EDF qui exploite toutes les centrales nucléaires en France, les 58 réacteurs. C'est Engie qui doit, c'est-à-dire GDF Suez qui exploite les réacteurs belges. Donc en France, EDF avait cessé ses barrages, mais il n'aura plus l'usage des barrages. Et donc, ça va être... Enfin, moi, je pense que le combat va être légèrement difficile. Par contre, arrêter un réacteur, moi, j'ai demandé à un travailleur du nucléaire, il dit, c'est 3 semaines pour arrêter un réacteur. On décharge le combustible. Bien sûr, il faut le mettre dans la piscine et surveiller. Mais ça, c'est pas le plus long. Mais comme souvent, c'est à qui on a affaire et comment on lutte. Parce que c'était le combat antinucléaire, j'y ai participé d'ailleurs, je suis même, enfin comme d'autres, je suis allé à Malville, mais les gens ont tendance à dire, comme à Notre-Dame-des-Landes, tant que c'est pas, on se bat tant que c'est pas construit. Mais le fait que ça continue à polluer, il y a d'autres gens qui, on est obligé de combattre contre ces nuisances. Mais moi, je serais plutôt en train, oui. Bonjour, j'entends parler de combat du coup politique sur la gestion énergétique de notre consommation à niveau national. Moi, pour moi, le combat politique, il est aussi sur tout ce qui doit être la législation autour de l'autorisation énergétique qu'on a tout un chacun chez soi, à savoir rendre des quartiers, des maisons individuelles autonomiques sur l'énergie, à savoir, on nous connaît, il y a la géothermie, Nikola Tesla, il y a des brevets qui ont été rachetés par les multinationales, à savoir sur l'énergie libre, sur plein de concepts énergétiques qui pourraient être, si c'est utilisé en masse, des solutions face justement à du grand lobby énergétique nucléaire et tout ça. Et ma question, ça serait sur la transition qui serait faite pour passer du système tel qu'on connaît à l'heure actuelle, un système privé qui répond à des logiques d'intérêt, à la transition d'un système qui serait justement sur l'autonomie énergétique, indépendamment de toute logique capitaliste, quoi. Donc la transition, comment elle se ferait? Elle se ferait justement par, comme on voit en Allemagne, une transition qui serait sur le charbon, un retour pour sortir du nucléaire sur des énergies consommables de matières premières. Est-ce qu'on serait obligé de passer par là, en fait, pour arriver sur un système à long terme, où, je rappelle une fois de plus, où le combat politique qu'on doit mener à nos populations pour arriver justement à une indépendance énergétique autonomique de tout un chacun, est-ce qu'on serait obligé de passer par cette phase de transition, en fait, si ma question est claire? Voilà. Si quelqu'un peut répondre à ça. Oui, moi j'essaie de répondre à ça. Le problème que nous avons essayé de poser est d'abord comment on évite la catastrophe, hein? Parce que c'est ça qui nous pend au nez. Si vous avez une fuite chez vous, vous dites à votre plombier qu'est-ce que vous ferez dans 20 ans et comment vous vous chaufferez votre eau dans 20 ans, mais d'arrêter d'abord la fuite que vous avez chez vous. C'est la première chose à faire. Or, nous sommes assis sur quelque chose qui est sur le bord de l'explosion. On n'a pas envie de le regarder, parce que c'est ça le véritable problème. Moi, je vous invite à lire, par exemple, le manifeste que la commission écologique, ici, sur cette place, a pondu. C'est un manifeste magnifique. On envisage une transition avec plein de choses intéressantes. Il manque une seule chose, la possibilité concrète d'éviter cette catastrophe. Parce que si cette catastrophe se produit, il n'y aura rien de toutes ces choses merveilleuses qu'on envisage d'ici 10, 15 ou 20 ans. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est la question des financements. On ne demande pas notre avis. C'est l'État qui décide sur notre tête quelle est la politique énergétique. On ne demande pas de produire avec une éolienne dans notre jardin. On fait de l'énergie avec du combustible nucléaire qu'on a pillé au Niger, où on a empoisonné les populations locales, et on prétend que c'est de l'indépendance énergétique. C'est ça le véritable problème. Une fois qu'on a pu arrêter cette gabegie, ces gaspillages, ces dangers constants et immédiats, c'est à ce moment-là qu'on pourra ensuite se poser le problème. Moi, je vais pas échafauder de scénarios. Je vais porter des exemples concrets. 2. 1. La sortie du nucléaire presque immédiate au Japon. Ils ont arrêté la quasi-totalité de leur centrale en hein, 6 mois. Mais ils ont dû le faire dans un contexte de catastrophe et ils ont eu recours à une quantité de centrales au charbon, au gaz et autres saloperies. Mais ils ne sont pas revenus à la bougie. Et il y a aussi nos voisins italiens. Nos voisins italiens, ils ont arrêté de produire de l'énergie électrique avec le nucléaire il y a maintenant 30 ans. Ils ne sont pas revenus à la bougie. Leur mix énergétique est fait par 30%, 40%, à certains moments même 50% de renouvelables, 30% de gaz et à peu près 18% de charbon et quelque chose avec de la géothermie, des choses diverses et variées. Et à un certain moment aussi, un peu d'importation. Mais c'est ça la question. Si on veut, on peut. D'un point de vue technique, c'est possible. Le véritable problème est le combat politique. La question de fond est que même à notre sein, parmi ceux qui se considèrent antinucléaires, il n'y a pas cette conviction. Il faut regarder les choses en face. Il y a le laboratoire de Bure dont on parle aujourd'hui et dont la loi d'enfouissement va être votée mardi au Sénat, le 17, a été mis en place sous le règne d'un premier ministre socialiste et d'une ministre de l'écologie qui était Madame Voynet. Ça, il faut le regarder en face. Ça fait des années que les ministres verts et qui, eux, ils tiennent la bougie pendant que les autres produisent de l'électricité avec le nucléaire. Moi, très rapidement, je voudrais continuer ce qui vient d'être dit sur l'urgence de sortir du nucléaire. L'urgence qui est d'autant plus grande que l'arrivée des traités, des accords commerciaux TAFTA et CETA qui est prêt à partir et à rentrer en opération vont rendre l'État d'abord. C'est vrai que l'État ne se conduit pas bien puisque... Mais enfin, il a encore une certaine responsabilité. Mais quand arrivera ces traités-là, ce sont les grandes sociétés américaines, essentiellement nord-américaines, qui vont venir et nous imposer même les gaz de schiste. Donc il faut, je crois, faire très, très vite pour ne pas que ce soit des sociétés privées qui s'emparent de la question nucléaire. Parce que la question nucléaire doit rester une prérogative de l'État, et non pas à 25%, mais à 100%. Oui, moi, je m'excuse, je vais répondre tout de suite, parce que franchement, je crois que là, c'est un discours que, sur la question nucléaire, vraiment, ça ne tient pas la route. Le nucléaire, aujourd'hui, officiellement privé, hein, Areva, EDF, a toujours été financé par l'État. Il n'y aurait pas d'industrie nucléaire en France s'il n'y avait pas eu la volonté de l'État. D'abord, la volonté d'un point de vue, pour des raisons géostratégiques, de Gaulle voulait la bombe. Et de la bombe, ensuite, on est passé au nucléaire civil parce que ça rentabilisait les investissements. Il n'y aurait pas de nucléaire sans l'intervention de l'État. En France, je veux dire, le lobby nucléaire et l'État, c'est la même chose, c'est indissociable. Donc moi, je vois pas que vous nous dites que le privé, ce serait pire, mais... Mais franchement, je pense que c'est une façon de raisonner au moins sur ce sujet qui ne tient pas la route. Moi, je voulais savoir comment ont été gérés les déchets en Italie, puisqu'ils ont finalement renoncé. Peut-être ça a été dit précédemment, hein, mais voilà, je voulais savoir comment ça avait été fait dans ce pays-là. Ils les ont envoyés à La Hague, comme tout le monde. Et quand il y a de temps en temps des déchets qui reviennent chez eux, en général, ils n'en veulent pas. Il y a le gouvernement italien qui a essayé de trouver un site de stockage définitif, semble-t-il, dans le sud de l'Italie. Et il y a eu une demi-révolte locale donc, qui a repoussé le retour de ces déchets en Italie. Mais c'est ça, le bon sens veut qu'on n'ait pas envie d'avoir des déchets ce soir. Donc, moi, j'aimerais, en revenant à d'autres questions qui avaient été posées, quand même se dire que les endroits où les centrales ont été construites, les endroits où ils prévoient, où ils stockent les déchets de déchets, et ils prévoient de les stocker donc à Bure, ce sont des endroits qui sont choisis non pas pour des raisons scientifiques, des raisons géologiques, etc. Ce sont des raisons, et ça on peut le retrouver, hein, des traces de ça un peu partout, ce sont des raisons d'acceptabilité par les populations. Et c'est pour ça que je pense que pour pas mal d'endroits, ils ont, par exemple pour l'entreposage de Cigéo, ils avaient plein d'idées d'endroits, même un peu mieux géologiquement, mais ils ont testé aussi qu'est-ce que les populations étaient prêtes à accepter. Alors bien sûr, des endroits où il y a peut-être un peu moins de population, hein, on comprend vite le truc, et puis qui sont un peu abandonnés. Ça veut dire aussi que si ça a lieu de cette façon-là, on a des moyens aussi d'agir, encore aujourd'hui, pour éviter le pire. C'est-à-dire que si la population réagit, si on n'accepte pas ça, il y a un certain nombre de travailleurs qui réagissent actuellement, alors qui sont pas, c'est des travailleurs d'EDF, qui tentent, donc vous savez que EDF utilise énormément de sous-traitants. Alors les travailleurs d'EDF sont relativement bien suivis au niveau médical, et s'ils ont un pépin, ben on va les assister, bon, même si ça sera pas réglé pour autant, alors que les travailleurs sous-traitants sont beaucoup moins suivis, ils passent d'un chantier à un autre, il n'y a pas de suivi de ce qui leur est arrivé, et donc on a des maladies très graves qui apparaissent chez les travailleurs. Il y a un travailleur, pour la première fois, qui a obtenu, il y a quelques mois, de faire reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle. Bon, il est mort. C'est sa femme qui continue le combat, parce que c'est l'entreprise de sous-traitance qui a été condamnée, c'est pas EDF. Or, c'est EDF qui embauche l'entreprise de sous-traitance. Donc, ce combat, il continue du côté des travailleurs. Et il y a un certain nombre de... Voilà. Bon. Oui, je pense que pour... qu'il y ait une volonté beaucoup plus vaste d'arrêter le nucléaire. Le problème, c'est que la population n'est pas tellement au courant à la fois de l'imminence des risques et des mesures qui seront prises, comme vous avez dit, qui sont des mesures strictement militaires, je pense, de confinement. Je pense que là, les gens auraient très très peur s'ils savaient vraiment ce qui les attend. D'autre part, ce qui est sidérant, c'est qu'en France, il n'y a même pas de mesures, c'est tellement caché qu'il n'y a même pas des mesures de prise d'iode, enfin de distribution d'iode à 100 km autour d'une centrale, ce qui a été obtenu, je crois, en Belgique. Chez nous, c'est ridicule. Tout ça pour que la population ne soit pas alertée, justement. Et d'autre part, ce qui est effrayant, c'est que EDF va être en faillite en réalité. Il y a une schizophrénie totale, ne serait-ce que pour la construction de cette EPR. Qu'est-ce qui va faire l'arbitrage? C'est l'État où on nous promet des sommes, les sommes qui sont engagées sont de plusieurs milliards, encore une fois, juste immédiatement. Voilà ce que je voulais dire. Oui, voilà, moi je vais parler en deux secondes. Ça n'a rien à voir avec, voilà, vous savez, la France avec l'esprit bat-en-guerre, la Libye et tous les pays. Donc elle n'est pas aimée à l'étranger, il ne faut pas croire. Donc avec l'histoire des drones, vous voyez les drones là, hein, s'ils s'occupent réellement, les méchants s'occupent réellement de la France, ils ne vont pas s'attaquer à la population comme ça, ils vont attaquer une centrale. Et en France, il y a beaucoup de centrales. Elles sont mal, il y a eu des grands organismes, vous savez, je ne vais pas les citer, mais Greenpeace ou d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, qui se battent et qui voient le danger. Et là, on est en danger, en fait. En fait, on est en danger, qu'est-ce qu'ils veulent au juste faire? Ça va être un dessert ou un désert? Ça va être un désert, je crois. Parce qu'elles sont faciles à attaquer. Donc voilà où on en est aujourd'hui. La France n'est pas un géant au pied d'argile, elle est ni géant et l'argile, je crois que c'est même pas de l'argile, c'est autre chose. Alors je sais pas ce qu'il faut faire, mais vraiment soit on fait des dômes, on protège ces sites réellement, parce que parler des déchets, certes c'est vrai à Milan et tout ça, mais moi je vous parle d'aujourd'hui, de demain et après-demain. Si on attaque, ça pollue la terre, et qu'est-ce qu'on va produire ici? On va manger américain, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? C'est possible qu'il y a des gens industriels qui se disent, et pourquoi on pourrait pas cette terre? Il y a quand même des gens qui ont l'habitude de manger bien, et bon voilà, on va pas cultiver une carotte en France. On leur vend tout. On en a marre. Et je vous assure qu'il y en a qui pensent comme ça. Ceux qui ont beaucoup d'argent. Allez, je vous laisse le micro. Donc la France est en danger à cause du nucléaire. C'est pas le nucléaire qui la défend. Oui, alors c'est là que ce qu'a dit Pierre-Franck Chevet, directeur de l'ASN, quand il dit une catastrophe est possible partout en Europe, elle est même pratiquement inévitable. Alors, est-ce qu'il dit qu'il faut arrêter le nucléaire? C'est pas sûr. Il dit qu'il faut vivre avec ça et ils soutiennent par le biais de l'IRSN, l'Institut de recherche sur la sécurité nucléaire, ce qui s'approchait comme corps et tout, c'est-à-dire comment vivre et comment savoir détecter si ce qu'on mange, si les carottes, elles sont un petit peu beaucoup contaminées. Il faut qu'on s'habitue à vivre avec tout ça. Et là, allez sur le site de l'IRSN et vous verrez ce qu'ils disent du projet Ethos, c'est assez effrayant. Alors en même temps, c'est vrai que s'il y a une catastrophe, il vaut mieux que des gens viennent, ils soient... Non, je parle d'une catastrophe nucléaire. Je parle d'une catastrophe nucléaire qui n'est pas du tout... Mais une catastrophe liée à une défectuosité, à une maladresse, à une erreur humaine ou une catastrophe provoquée par un attentat, ça va avoir le même type de dégâts, c'est de la même ampleur. Bon, nous on appelle ça la catastrophe. Donc voilà, elles sont pas naturelles dans aucun des deux cas. Alors, ma prochaine question, ça sera sur, en fait, savoir s'il y a une politique d'énergétique européenne qui serait influente sur la politique énergétique française, et si on dépendrait justement des obligations imposées par Bruxelles et le lobbying énergétique à Bruxelles. Et parce que je suis conscient, moi, à côté de ça, que tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on ne récupérera pas notre indépendance et notre pouvoir de décision politique en France, qu'on dépendra toujours du cartel euro-atlantiste industriel qui sévit à Bruxelles. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que au niveau du nucléaire, on pourrait, même si on le voulait, et qu'il y aurait un mouvement de masse français, à savoir des pétitions, un mouvement citoyen pour le nucléaire qui prendrait beaucoup plus d'importance qu'il n'est à l'heure actuelle, est-ce qu'on pourrait avoir réellement des pouvoirs de décision malgré qu'on soit dans l'Union européenne? Je ne peux pas complètement répondre à ta question, mais j'ai l'impression quand même que ce qui se passe autour du nucléaire, c'est pas l'ensemble hein, des procédés industriels, etc. Il y a une dame qui parlait des accords TAFTA, etc. On sait bien que c'est quand même au niveau de l'État français. C'est quand même au niveau de notre État. Ça nous fait chier, hein, mais c'est-à-dire qu'en Europe, on a une chance que le combat nucléaire puisse, anti-nucléaire puisse se relancer, parce que les Allemands, ils sont pas très loin. Et le nucléaire n'a pas de frontières, enfin la radioactivité n'a pas de frontières. Les Suisses, les Belges, bon les Belges ils ont aussi des bonnes centrales bien usées, mais quand on voit les mouvements en Allemagne, je sais pas si vous êtes, enfin je vais pas vous citer les dates exactes, mais c'est facile à trouver, qu'il y a contre les transports des déchets, parce que les Allemands font traiter comme toute l'Europe leurs déchets à La Hague, hein, c'est la grande usine de retraitement, elle est en France, et puis après on leur renvoie. Et là, ces déchets, les Allemands, ils bloquent. Les Allemands à la base, bien sûr. Hein, mais je pense que le pouvoir européen global, alors là, je saurais pas en parler, hein, je suis pas assez informée, n'est pas aussi c'est l'influence de la France, parce que dans le pouvoir européen, il y a l'État français. L'Europe, c'est une série d'États. C'est une série d'États qui influencent la politique. C'est pas au-dessus. C'est au-dessus de nous, mais c'est pas au-dessus de l'État français. Ils y sont dans les instances européennes. Et ils défendent le lobby nucléaire français. Et nous, qui sommes français, je pense qu'on a très peur, parce que c'est notre État, et c'est très dur de s'opposer à l'État, et c'est dangereux, c'est vrai, parce que... Eh bien, c'est vrai que nous avons souvent l'habitude de mettre beaucoup de responsabilités sur le dos du TAFTA, de ce qui se passe à Bruxelles, de l'OTAN. Ben, le nucléaire est l'exemple même de nos propres responsabilités et des responsabilités de l'État français. Hein? Il faut regarder les choses en face. Nous avons le nucléaire parce que De Gaulle voulait la bombinette. Hein? Et il a favorisé, comme le montre très bien dans son spectacle Nicolas Lambert, voulait son indépendance et sa place dans le monde. Hein. Il voulait que la France garde son rang. Pour faire ça, il avait besoin de plutonium. Et la façon la plus simple pour produire le plutonium est, évidemment, en l'imposant à l'ensemble du pays avec des bonnes excuses, c'est-à-dire l'indépendance énergétique, était construire des centrales. Ils en ont construit en quelques années une quantité inimaginable dans n'importe quel autre pays du monde qui ne soit pas l'Union soviétique et la Chine. Hein? Rappelez-vous d'ailleurs qu'aux États-Unis, pays particulièrement libéral s'il en est, ils ont arrêté de mettre en chantier des centrales après l'accident de Three Mile Island en 79. Hein, ils ont arrêté de faire des centrales tout simplement parce que plus personne ne voulait les assurer. En France, c'est l'État, donc le contribuable qui paye. Et il a bon dos. Et d'ailleurs, on va être appelé à payer pour le renflouement d'EDF, 4 milliards, et pour le renflement d'Areva, 5 milliards, hein, si je ne m'abuse, pour l'instant. Après, on verra. Et entre-temps, le prix de l'électricité va augmenter parce qu'il y a EDF qui n'a pas provisionné, par exemple, pour le démantèlement des centrales. Je reviens juste à l'Italie. Les Italiens, ça fait plus de 30 ans maintenant, qui, dans leur facture, retrouvent une petite ligne qui est la contribution pour le démantèlement des centrales, qui n'est toujours pas commencé d'ailleurs. On va devoir conclure, donc on va prendre une dernière question. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire là sur la manière dont l'Italie gère ses déchets, en Italie, il y a beaucoup de. Enfin, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de soucis avec la gestion des déchets et quasiment toutes les structures de gestion de déchets en Italie seraient aux mains de la mafia. Est-ce qu'à partir de là, on peut vraiment emmener des déchets radioactifs en Italie? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est. Bon, je suis contre le nucléaire, soyons clairs, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Mais on a plein de déchets et qu'est-ce qu'on en fait? Et cette question de CIGEO, aujourd'hui, tout le monde dit. Bah oui, d'accord, mais on va les mettre où ces déchets? Et au bout d'un moment, est-ce qu'on n'est pas obligé de choisir un endroit pour le faire? Et il vaut mieux que ce soit chez nous, où on sait ce qui se passe, que peut-être dans des pays qui sont moins développés, qui ont moins de technologies sur le nucléaire, et qui sauront encore moins quoi en faire que nous. Enfin, actuellement, on ne sait pas quoi. Personne ne sait ce qu'il faut faire avec les DG. Le danger du CIGEO, c'est un enterrement définitif. Et ça, c'est catastrophique. Les seules solutions actuellement raisonnables qui pourrait paraître raisonnable, c'est de les enterrer de manière à pouvoir les surveiller en permanence et pas de les enterrer de manière définitive. Parce que ça, ça peut être une catastrophe dans peu de temps ou dans très longtemps. Et donc, il faut qu'on prenne en charge cette question. Et effectivement, c'est ce qu'on nous a mis sur le dos à nous et aux suivants. Et nous, anti-nucléaire, on n'a pas une solution. Mais on se dit, s'il y en a moins, si on arrête d'en faire, ben déjà, il y en aura moins à surveiller. Mais actuellement, personne n'a de solution. Aucun scientifique n'a de solution. Oui, juste une réponse sur la question de la mafia en Italie qui gère les déchets. Heureusement, pas les déchets nucléaires. Ben, la mafia n'est qu'un sous-traitant comme un autre. Un sous-traitant encore plus économique que les autres parce qu'elle ne paye pas les impôts. Donc, elle ne pourrait pas s'occuper des déchets si l'État n'avait pas tourné la tête pour éviter de regarder qui s'en occupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne la question de qu'est-ce qu'on fait des centrales une fois qu'on aurait arrêté le nucléaire. Bah, le gros problème, et je dis mon point de vue personnel, le gros problème du nucléaire, de la radioactivité, est qu'elle est invisible. Donc, les gens ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, je dirais, la seule solution encore acceptable est de laisser les choses là où elles sont, là où on a déjà contaminé les lieux, donc les centrales, qu'elles soient visibles, qu'elles soient des monuments à l'horreur pour la stupidité des apprentis sorciers et des criminels qui ont créé ce genre de choses. Et tant qu'on ne trouve pas un moyen de résoudre les problèmes, c'est important qu'elle reste visible pour tout le monde. Ouais, je précise que c'est aussi le point de vue des travailleurs du nucléaire qui se mobilisent pour se défendre. En particulier, ils défendent l'idée du démantèlement des centrales différées et non pas immédiates, c'est-à-dire de laisser les centrales à l'État une fois qu'on les a arrêtées. Ceux que cette question intéresse, on a écrit une brochure qui sont justement des discussions avec ces gens-là. Vous pouvez en avoir. Vous pouvez avoir des tracts ici sur lesquels il y a notre adresse mail si vous voulez entrer en contact avec nous. Mais surtout, on vous invite à essayer de constituer des groupes vous-même, de vous intéresser au sujet, vous informer, et puis essayer de vous battre, parce que nous, qu'est-ce qu'on est ? On est 10 personnes, on fait ça, on fait chier aussi les antinucléaires officiels, parce que eux, ils aimeraient bien qu'on dise pas qu'il y a des solutions dans l'immédiat, et qu'il faut faire des compromis, etc. C'est à la portée de tout le monde, et il faut que la population s'en empare, et c'est le moment de le faire, comme je le disais tout à l'heure. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que pour beaucoup de gens, on pense que EDF est incontournable. Je me dis que depuis quelques années, on a le droit de choisir son fournisseur d'énergie. Et je fais un rêve, je me dis, si jamais tout le monde quitte EDF, change de fournisseur d'énergie, prend une énergie renouvelable, du coup, la demande chute. Et si la demande chute, comment on peut légitimer une production ? Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de les forcer à arrêter la production ? Enfin, au moins la baisser, commencer à fermer des centrales de cette manière. Si tout le monde s'y met, tout le monde choisit un autre fournisseur d'énergie renouvelable, par exemple. Parce que ça existe maintenant sur le marché depuis plusieurs années. On n'est plus obligé de rester chez EDF, quoi. On dit pourquoi pas, mais je pense que c'est pas du tout qu'on est contre ça, hein, au contraire, autant mener toutes les actions. Le problème pour nous, c'est pourvu que ça s'arrête avant que ça nous pète à la gueule et qu'on n'a pas de temps. On sent pas, nous on a un sentiment d'urgence. Et l'urgence, c'est pas 20 ans, mais si tout le monde, mais tout le monde non. Enfin, moi je veux bien, je serais très contente. Sur cette question-là, moi je pourrais apporter peut-être une petite réponse. Et je pense que pour l'instant, dans l'heure actuelle des prises de conscience que les gens ont en général, c'est qu'il y a une masse silencieuse qui, de toute façon, subit l'information que les médias ont. Et je pense que les gens, malheureusement, j'en suis conscient, ne sont pas prêts justement à faire des petites actions comme ça qu'ils devraient faire pour l'intérêt général de tous et qu'ils ne sont pas prêts à ça. Et je pense que c'est un travail justement quotidien. C'est un travail quotidien de réinformation, même tout un chacun doit informer son prochain quant au choix justement de consommation, ça va être dans l'alimentaire, dans l'énergétique, dans tout ça qui doit se faire justement. C'est une révolution, je pense, qui doit être intérieure en premier. Mais ma question, c'était sur la gestion des déchets nucléaires. J'avais lu des articles scientifiques qui parlaient, alors c'est peut-être utopique, je ne sais pas si c'est réalisable concrètement parce que ça demande beaucoup de financement et c'est des budgets colossaux, c'est l'espace tout simplement. À savoir que ça pourrait justement, dans une certaine vision à long terme, mais à très très long terme, moi je suis quelqu'un qui est optimiste, qui pense que dans 3000 ans on sera encore là, qu'on aura résolu beaucoup de systèmes de questions politiques actuelles et qu'il y a une révolution mondiale et globale qui fera tomber le capitalisme. Mais donc dans une vision à long terme, est-ce que l'espace serait une solution envisageable? Voilà. Oui, alors sur la question de l'espace, je tiens à dire que j'ai fait, c'est pas une découverte, mais comme je m'intéressais au rejet de plutonium dans la Loire dû à un accident à Saint-Laurent-des-Eaux, j'ai regardé les prélèvements et on dit, ceux qui ont fait les carottages récemment, je crois qu'il y a eu un procès intenté par l'Observatoire de l'énergie atomique de Stéphane Lhomme, on fait des carottages et on dit, ah ben oui, il y a du plutonium, mais ce plutonium, ça vient du satellite qui est tombé je ne sais quand. Parce que, figurez-vous qu'on utilise le plutonium pour propulser des satellites dans l'espace. Et la quantité de plutonium qui est retombée sur la Terre, qui n'est plus du tout alors ce qu'on croyait avant, elle vient des satellites qui retombent. Alors ça veut dire que si on s'amuse à envoyer des déchets dans l'espace, il faudrait être certain qu'ils y restent, et ça, c'est pas du tout certain. Maintenant, ce genre d'accident, déjà, fallait savoir que les satellites, un certain nombre de satellites, sont propulsés avec des réacteurs nucléaires. Entre autres, ils utilisent le plutonium 238, je dis ça pour faire le malin, et certains de ces satellites retombent. Il y en a d'ailleurs, je crois qu'il y a une contamination au nord de Madagascar, dont on parle peu, voilà. Moi, je fais partie du collectif contre l'ordre atomique. J'arrive un petit peu en retard parce que j'étais aussi sur une opération de blocage, donc à Val d'Europe, à côté d'Euro Disney, où on a bloqué le plus grand centre commercial d'Europe qui existe et c'était une première qui ouvrait le dimanche. Donc j'étais, voilà, c'est pour ça que j'arrive en retard. Je rebondis un petit peu sur l'histoire d'Enercop. Personnellement, je suis pas contre Enercop, mais en même temps, faut pas débattre sur l'histoire que. Le problème du nucléaire, ça serait simplement un problème de choix énergétique. Je ne sais pas si vous avez effectivement parlé au cours de ce débat un petit peu des origines du nucléaire en France, origine d'abord militaire et ensuite effectivement choix technologique et choix aussi de superpuissance de la France dans ce domaine. Donc c'est avant tout le nucléaire un choix politique et militaire avant d'être un choix énergétique. Et je pense que c'est ça qui est très très très important aujourd'hui. Et le Enercop pourrait pas effectivement proposer ça à Enercop comme une alternative à la lutte. Je voudrais donner un exemple très rapidement. En Allemagne, il y a à peu près quelque chose qui existe, c'est l'équivalent d'Enercop, je ne sais pas le nom, mais ils sont à peu près plus de 100 000 à avoir choisi d'adhérer un petit peu à cette alternative énergétique. Mais par contre, en Allemagne, ce qu'ils n'ont pas oublié de faire, c'est l'Allemagne. Et à la fois, effectivement, il y a des sociétaires plus de 100 000 en Allemagne, mais en même temps ils sont des dizaines de milliers à bloquer les trains de matière radioactive, et c'est ça qu'on a un petit peu oublié en France, et malheureusement dans le débat souvent sur Enercop on propose ça un petit peu comme la solution miracle. Je pense que ça peut être intéressant quand c'est un levier à la fois dans un combat et une lutte antinucléaire très concrète qui se passe sur le terrain, et là c'est efficace, mais si on le propose comme une alternative à la lutte, là ça peut être largement contre-productif. Voilà. Oui, alors pour en revenir à ce que dit Christian, et nous l'avons déjà dit en partie, mais pour parler de Bruxelles, de la supranationalité, c'est-à-dire des instances qui seraient au-dessus de la France, il faut savoir quand même que après les expériences, quand on a largué des bombes à hydrogène sur l'atoll de Bikini, il y a eu quand même une espèce de terreur qui s'est emparée de la population mondiale et même de certains scientifiques, et qu'à partir de là, on a assisté à la naissance d'une agence internationale qui s'appelle l'IAIEA ou l'AIEA, si vous voulez. Et ça, c'est en 1957. Mais la France a commencé ses essais atmosphériques en 1960, c'est-à-dire qu'ils s'en sont complètement foutus. Alors je vous donne les chiffres quand même. Il y a eu 210 essais nucléaires en France de 1960 à 1996. Hein, il y en a eu 46, alors 196 essais nucléaires, donc 46 atmosphériques sur les atolls de Mururoa et de Fangatofa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et il y a aussi les essais nucléaires en Algérie. Alors j'ai relevé aussi l'histoire de Béryl avec des gens qui sont irradiés. On envoie au point zéro, enfin on se fout de la gueule du monde. Et il y a encore il y a d'abord tous ceux qui sont morts après c'est des populations en partie, pas seulement, mais des populations françaises. C'est ça le nucléaire. Désolé, on va devoir conclure. Voilà, donc on était ravis de vous avoir entendu vos questions, vos réactions, et on remercie tous les intervenants de la journée.